طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc c'est un livre de Cheikh Abdul Razzaq al-Badr et le titre c'est Ta'zim al-Salat, c'est-à-dire le respect de la salat, la grandeur de la salat, de comprendre la grandeur et l'importance de la salat, oui. Et après l'introduction, il dit فَإِنَّ أَهَمَّ أُمُورَ الْعَبْدِ الصَّلَاةِ. Donc parmi les choses les plus importantes pour le serviteur, c'est la salat. فَمَنْ حَفَظَ عَلَيْهَا وَحَفِظَهَا حَفِظَ دِينَ. Celui qui l'a préservé, sa salat, et qui a été fidèle à ses prières, eh bien il a préservé sa religion. وَمَنْ ضَيَّعَهَا كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. C'est-à-dire celui qui a gaspillé ou perdu sa prière, eh bien le reste de ses œuvres sera encore plus perdu. وهي عمود الإسلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. C'est le pilier de l'islam, comme ça a été mentionné par le prophète صلى الله عليه وسلم. وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها. Donc le reste des règles de la religion, c'est comme des piquets, hein, des choses qui viennent, disons, ancrer la tente, hein, comme quand tu établis ta tente, tu mets un pilier au milieu pour que la tente reste droite. Les autres règles de l'islam, les autres principes de l'islam, c'est comme les piquets qui tiennent chaque coin de la tente. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْفُسْطَاتِ عُمُود لَمْ يُنْتَفَعْ بِشَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ. C'est ça. Si la tente, là, elle n'a pas un pilier, eh bien, tu ne peux pas profiter de rien de ces différentes parties. فَقَبُولُ سَائِرِ الْأَعْمَالِ مَوْقُوفٌ عَلَى قَبُولِ الصَّلَاةِ. فَإِذَا رُدَّتْ عَلَيْهِ سَائِرُ الْأَعْمَالِ. Donc il dit, l'acceptation de tes œuvres, elle revient, yani toutes tes autres œuvres, pour qu'elles soient acceptées, il faut que ta salat soit acceptée. Si ta salat, elle est rejetée, eh bien le reste de tes œuvres sera rejeté aussi. وَهِيَ أَوَّلُ فُرُودِ الْإِسْلَامِ. C'est la première des obligations qui a été ordonnée dans l'islam. وهي آخر ما يفقد من الدين. C'est la première chose qui sera également perdue de la religion à la fin des temps. فهي أول الإسلام وآخره. Donc c'est le début de l'islam et c'est la fin de l'islam. فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. Si le début et la fin de l'islam est perdu ou est parti, eh bien tout le reste est parti. Il dit وَكُلُّ شَيْءٍ ذَهَبَ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ فَقَدْ ذَهَبَ جَمِعُهُ. Toute chose, si son début et sa fin est parti, eh bien, tout le reste est parti aussi. Il dit ensuite فَلَا يَسْتَقِيمُ دِينُ الْمُسْلِمِ وَلَا تَصْلُحُ أَعْمَالُهُ وَلَا يَعْتَدِلُ سُلُوكُهُ فِي شُؤُونِ دِينِهِ وَدُنْيَاهِ حَتَّى يُقِيمُ هَذِهِ الصَّلَاةَ عَلَى وَجْهِهَا الْمَشْرُوعِ عَقِيدَةً وَعِبَادَةً. Donc il dit, la religion du musulman ne va pas être droite et ses œuvres ne vont pas être correctes et bonnes et son comportement et sa conduite ne vont pas se mettre droite dans toutes les affaires de sa vie et de sa dunya et de sa vie jusqu'à ce qu'il pratique sa prière de la manière qui a été légiférée dans la aqida, dans la croyance et dans les actes d'adoration. متأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم. En prenant comme exemple et modèle dans l'établissement de sa salat avec l'exemple du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين. Donc il n'y a pas de doute que la salat, c'est la prunelle des yeux des gens qui aiment Allah. Et c'est la douceur ou le plaisir ou la douceur des âmes, des unificateurs, ceux qui ont unifié Allah et qui croient en l'unicité d'Allah. وَبُسْتَانُ الْعَبِدِينَ Et c'est le jardin des adorateurs. وَلَذَّةُ نُفُوسَ الْخَاشِعِينَ Et c'est le plaisir de l'âme des gens qui sont humbles envers Allah et qui yani, adorent Allah avec humilité. وَمُحِكُ أَحْوَالِ الصَّادِقِينَ وَمِيزَانُ أَحْوَالِ السَّالِكِينَ Donc c'est parmi les choses qui font partie de l'état des véridiques et c'est la balance sur laquelle on sur laquelle les gens qui suivent le chemin d'Allah se mettent dans, c'est la balance sur laquelle ils se mettent pour juger de leur état. Ils regardent leur salat pour savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur foi. Tu veux savoir où est-ce que tu en es par rapport à ta foi, regarde comment, où est-ce que tu en es par rapport à ta salat. Est-ce que tu es sérieux dans ta salat? Ça te dit comment tu es dans ta foi. Et il dit وَهِيَ رَحْمَةٌ رَحْمَةُ اللَّهِ الْمُهْدَاتِ إِلَىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ Et c'est la miséricorde qui est donnée en cadeau à ses serviteurs croyants. هَدَاهُمْ إِلَيْهَا Il leur a donné, il les a guidés vers la salat. وَعَرَّفَهُمْ بِهَا Et il leur a fait connaître. وَأَهْدَاهَا إِلَيْهِمْ عَلَىٰ يَدِ رَسُولِهِ الصَّادِقِ الْأَمِينَ رَحْمَةً بِهِمْ Et il leur a donné cette salat par la main de son messager véridique et honnête et fiable comme miséricorde pour eux. وَإِكْرَامًا لَهُمْ Et pour les honorer. لِيَنَالُوا بِهَا شَرَفُ Sharaf karamatihi, pour qu'il puisse obtenir et atteindre par celle-ci la noblesse de sa générosité, wal fawz bi qurbihi, et de pouvoir avoir la réussite et de gagner sa proximité, c'est-à-dire la proximité d'Allah, wala hajata minhu ilayhim, alors que lui Allah n'a aucun besoin d'eux, bal minnatan minhu. C'est une faveur de la part d'Allah qu'il nous fait. وَتَفَضُّلًا عَلَيْهِمْ Et c'est une grâce qu'il leur fait. وَتَعَبَّدَ بِهَا قُلُوبُهُمْ وَجَوَارِحُهُمْ جَمِيعًا Il a soumis et établi leur cœur et leur corps dans cette adoration, par cette adoration. Et وَجَعَلَ حَظَّ الْقَلْبَ الْعَارِفِ مِنْهَا أَكْمَلَ الْحَظِّ الْحَظِّينَ وَأَعْظَمِهَا Il a fait que la part du cœur des gens qui connaissent Allah, eh bien, ils ont dans cette prière la plus grande part et la plus importante. وَهُوَ إِقْبَالُهُ عَلَى رَبِّهِ Et c'est le fait d'aller, de se tourner vers son Seigneur. وَفَرْحُهُ وَتَلَذُّذُهُ بِقُرْبِهِ وَتَنَعُمِهِ بِحُبِّهِ Et c'est sa réjouissance et son plaisir. Il retrouve son plaisir et sa réjouissance dans le fait de se rapprocher d'Allah. Et c'est là-dedans qu'il retrouve sa grâce par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a. وَابْتِهَاجِهِ بِالْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ Donc il est ébloui de pouvoir se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَانْصِرَافِهِ حَلَى الْقِيَامِ لَهُ بِالْعُبُودِيَةِ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى غَيْرِ مَعْبُودِهِ Donc il se détourne une fois qu'il est debout devant Allah subhanahu wa ta'ala en soumission à lui et en obéissance à son Seigneur, eh bien il se détourne de toute autre chose que lui. Il s'écarte et il se détourne de tout ce qui n'est pas celui qu'il adore, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas Allah. وَتَكْمِيلُهُ حُقُوقِ عُبُودِيَتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا حَتَّى تَقَعُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَرْضَاهُ رَبُّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Et il complète par cela les droits de son obéissance et de son adoration en apparence et intérieurement également, jusqu'à ce qu'il l'établisse et qu'elle soit de la manière qui satisfait son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est tiré, hein, une citation qu'il a citée, Cheikh Abdul Razzaq, de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Asrar al-Salat. Asrar al-Salat. Donc lui, il cite souvent des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim comme ça. Et l'imam Ibn al-Qayyim, c'est comme ça qu'il parle. Quand il parle de tout ce qui a rapport avec la salat, le cœur et toutes ces choses-là, il fait des petites phrases comme ça, mais qui sont remplies de significations immenses. Yani. Après, il dit « وَحَرِيُّ بِكُلِّ مُسْلِمِينَ يعني, donc on a déjà atteint 10 minutes. Donc on va s'arrêter ici avec cette citation de l'imam Ibn al-Qayyim. On continuera comme ça chaque jour. On va lire une partie, inshallah. Puis ça va faire un bon rappel pour nous, pour comprendre et pour se rappeler de l'importance de la salat, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بارك الله فيكم.